بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 21 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid, le charh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin, et avec les commentaires de Sheikh Saleh al-Fawzan dans Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Donc, là où on s'est arrêté la dernière fois, on avait expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne, c'est un hadith rapporté par Ubadat ibn Samit, où il dit que quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul et sans partenaire, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Jésus est son serviteur et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam et une âme qu'il a créée, et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Donc ce hadith là on l'a expliqué, et le cheikh maintenant il explique des points qui ont rapport avec la compréhension de ce hadith-là. Donc il dit par rapport au témoignage de la ilaha illallah, فَكَمْ ضَلَّ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا فَكَمْ ضَلَّ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا مَنْ ضَلَّ وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ فَقَلَّبُوا حَقِيقَةَ الْمَعْنَى وَأَثْبَتُوا الْإِلَهِيَّةِ الْمَنْفِيَّةِ لِمَنْ نُفِيَتْ عَنْهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وسخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique combien de gens sont égarés à cause de leur ignorance de la signification de la ilaha illallah, et il dit que ce sont la majorité. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, لأنهم يقولونها بألسنتهم ويعتقدون أنها تنفعهم بمجرد اللفظ ويرددونها في الأوراد ولكن لا يعرفون معناها أو يعرفونه ولكنهم لا يعملون به. هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله ولو رددوها عدد الأنفاس لأنهم ليسوا من أهلها. Donc le cheikh dit, ils l'ont dit, c'est-à-dire ils ont dit la ilaha illallah avec leur langue, et ils pensent que cela leur est profitable uniquement le fait de prononcer les mots et de les répéter dans leur rappel quotidien. Toutefois, ils ne connaissent pas la signification de la parole, ou s'ils connaissent sa signification, mais ils ne le mettent pas en application. Ils ne mettent pas ce que cela implique en application, et donc par conséquent, le fait de dire la ilaha illallah ne leur sera pas bénéfique ou profitable, même s'ils le répétaient le nombre de fois qu'ils respirent, parce qu'ils ne font pas partie des gens qui appliquent la ilaha illallah. Ensuite, la suite de la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, ils ont donc renversé la signification réelle de la ilaha illallah, et au lieu d'affirmer l'adoration et la divinité exclusive d'Allah, eh bien, ils ont affirmé la divinité de ceux pour qui elle est niée. Parmi les créatures, comme les gens qui sont dans les tombeaux, et les mausolées dans lesquels les gens vont faire leurs adorations pour les morts, ou bien pour des sorciers, ou bien des idoles, ou des statues, ou des arbres, ou des pierres, ou des djinns, ou autres. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, أثبتوا المنفي وهو الشرك واعتقدوا الشرك في القبور والأحجار والأحجار في الأحجار والأشجار والأصنام ونفوا المثبت وهو إفراد الله بالعبادة فهم خالفوا وعكسوا هذه الكلمة العظيمة فإن كانوا يقولونها بألسنتهم ولكن مجرد القول لا ينفعهم. Donc c'est-à-dire qu'ils ont nié ce qui est, ils ont affirmé ce qui est nié par cette parole, c'est-à-dire le shirk, et ils ont cru en qu'est-ce qui est shirk dans l'adoration des tombes, dans l'adoration des arbres et des pierres, dans l'adoration des idoles et des choses de ce genre. Et ils ont nié ce qui est affirmé par cette parole, c'est-à-dire l'exclusivité de l'adoration pour Allah seul. Et ils ont donc contredit la signification de ce témoignage et ils ont fait le contraire de ce que cette parole immense et importante implique, c'est-à-dire l'exclusivité de l'adoration d'Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc ils disent cette parole avec la langue, mais le fait de le prononcer seulement sans comprendre et sans l'appliquer, ça ne profite pas. Et ils disent ensuite qu'ils ont pris donc cela comme étant leur religion, c'est-à-dire adorer les statues, les idoles, ou les tombeaux, ou les hommes pieux, les saints, les awliya comme ils les appellent. Et ils ont enjolivé cela et ils ont essayé de montrer des arguments pour essayer de justifier ces actes-là qu'ils font. Et ils ont pris le tawhid dans son sens réel, ils l'ont pris comme étant une innovation. Le vrai tawhid, le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans l'adoration, ils en ont fait une innovation, une bid'ah. Et ils ont condamné et blâmé ceux qui appellent à cette voie, qui appellent au tawhid. Et le cheikh, cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit فالذي يدعوهم الى التوحيد وترك عباد وترك عباده القبور والاضرحه يبدعونه ويقولون هذا خارجي مبتدع جاء بمذهب الخامس او دين جديد فهم يبدعون اهل التوحيد ويمدحون اهل الشرك وانهم هم المسلمون وان الاسلام هو عباده القبور والتقرب الى الاموات والاولياء والصالحين وهذا من قلب الحقائق والعياذ بالله ولا تستغربوا هذا هذا موجود في كتبهم التي يردون بها على أهل التوحيد. Donc le cheikh il dit que celui qui les invite au tawhid et à l'unicité d'Allah exclusive et l'adoration d'Allah exclusive et d'abandonner l'adoration des tombeaux et l'adoration des tombes, il le déclare comme étant un innovateur et ils disent à son sujet c'est un khariji. Pourquoi ils accusent qui de khariji? Celui qui appelle au tawhid, celui qui interdit l'adoration des tombes. Et ils disent c'est un innovateur et il ramène un nouveau madhab, un cinquième madhab comme ils disent, ou bien une nouvelle religion. Donc ils déclarent innovateur les gens du tawhid et ils font les éloges et ils glorifient les gens du shirk et ils disent que ce sont eux les vrais musulmans. Tandis que ceux qui interdisent le shirk, ils les considèrent innovateurs. Et ils pensent que l'islam, c'est l'adoration des tombes, et de se rapprocher des morts, et des saints, et des hommes pieux, après leur mort, et à leur tombe, et de leur offrir des adorations en dehors d'Allah. Et donc il dit ça, c'est de renverser les réalités, qu'Allah nous préserve. Alors il dit, ne soyez pas étonnés de ça. C'est des choses qui existent, et c'est présent dans leurs livres, dans lesquels ils essaient de réfuter les gens de la vérité et les gens du tawhid. Donc ils écrivent même des livres pour essayer de défendre leur shirk et de réfuter les ulama qui appellent au tawhid et à la da'wa des prophètes. Donc le cheikh il dit ensuite فَلَمْ يَعْرِفُوا مِنْهَا مَا عَرَفَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشِ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَرَفُوا مَعْنَاهَا وَأَنْكَرُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْإِخْلَاصِ. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas connu de la réalité du tawhid ce que les gens de la jahiliya parmi les kuffars de Quraysh et leurs semblables ont eux-mêmes reconnu. Parce que eux, ils connaissaient la signification de la ilaha illallah et ils ont refusé, et ils ont rejeté ce que le tawhid impliquait comme pureté d'adoration à Allah seul. Et c'est pour ça qu'ils refusaient de le dire. كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الله سبحانه وتعالى il mentionne ce qui signifie dans le Coran au sujet des mushrikin, que lorsqu'on leur disait dites la ilaha illallah, hein, dites que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Ils s'enflaient d'orgueil, ils refusaient de dire cette parole, et ils répondaient en disant allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou, hein? Donc ça veut dire qu'ils comprenaient que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invitait à faire, c'était de cesser d'adorer les idoles et d'adorer Allah seul. Tandis qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah, et qui adorent des tombes et des saints, et quand on leur dit cessez d'adorer les tombes et cessez d'adorer les saints, hein, et les hommes pieux, ils pensent que, hein, on est en train de contredire l'islam. نسأل الله العافية. ذاك الشيخ الذي أهل الجاهلية عرفوا معناها معنى لا إله إلا الله، لكنهم أبوا أن يلتزموا به خشية التناقض، وهؤلاء ما عرفوا معناها ولذلك وقعوا في الشرك وهم يقولونها. ذاك يقول les gens de la jahiliya ils ont connu ils savaient ce que signifiait لا إله إلا الله، que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Mais eux, ils ont refusé de le dire, c'est-à-dire les mushrikins de Quraysh à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils ont refusé de le dire? Parce qu'ils ne voulaient pas se contredire. Parce qu'ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah, puis continuer d'adorer les idoles en même temps. Tandis que aujourd'hui, les gens qui le disent, parfois, parmi les musulmans, les gens qui le disent, qui ne savent pas sa signification. Ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah seul. Et ils continuent d'adorer des créatures au lieu d'adorer Allah seul. Ils adorent des tombes, ils adorent des hommes pieux, ils adorent des awliyas ou des gens qu'ils considèrent comme étant des awliyas. Ils vont à leur tombeau, ils vont faire des pèlerinages à ces endroits-là, hein, et ils pensent que ça c'est en accord avec l'islam et que ça ne contredit pas la ilaha illallah. Donc ça, alors que ça c'est du shirk, hein, c'est de l'idolâtrie. C'est d'associer, de donner des partenaires à Allah dans l'adoration, hein? Donc ils disent la ilaha illallah, mais ils ne comprennent pas ce que ça signifie, donc ils tombent dans la contradiction, et ils ont moins de raison et moins de compréhension que les mushrikines qui eux refusaient de le dire par peur de se contredire, alors que eux aujourd'hui ils le disent et ils n'ont pas peur de se contredire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit par rapport au verset فهم المشركون الأولون فهم المشركون الأولون أن معنى هذه الآية أو هذه الكلمة لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام وهؤلاء المتأخرون لم يفهموا ذلك. Donc les premiers parmi les mushrikin, les premiers mushrikun, ils avaient compris la signification de la ilaha illallah et que ça implique d'abandonner l'adoration des idoles et de tout ce qui est en dehors d'Allah. Tandis que les gens d'aujourd'hui ou ceux qui sont venus après, qui ont commencé à adorer des tombes, eh bien, ils n'ont pas compris cette implication-là ou cette signification-là. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue et il dit والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه ولهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره. Donc, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ici ce qui signifie que les mushrikoun, hein, qui sont venus à la fin de cette umma, hein, des gens qui sont venus à la fin de cette umma, hein, et qui se disent musulmans pourtant, hein, eh bien, ils ont condamné, hein, ceux qui les appellent à abandonner l'adoration de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah parmi les tombeaux, et parmi les tombes et les mausolées et autres. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والطواغيت ونحوها. De même que les statues ou les tombeaux. En réalité, il faut pas distinguer parce que les gens souvent ils se laissent confondre par les termes, par les noms, hein, et par les mots. Donc, quand tu leur dis, hein, l'adoration des idoles, ils sont d'accord. Ils disent non, ça c'est interdit, ça c'est du shirk. Puis si tu leur dis l'adoration des tombeaux et des tombes, ils disent non, mais ça c'est pas du shirk, c'est pas une idole. Hein? Eh bien, la réalité c'est que c'est une idole, même si elle n'a pas été sculptée, même si elle n'a pas une forme humaine ou animale, ça reste que c'est une idole. Hein? Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas compris ça. Et c'est pour ça que même dans la langue arabe, on a deux termes pour désigner les idoles. C'est al-asnam ou al-awthan. Al-asnam, c'est les statues qui ont été sculptées, gravées ou qui ont une représentation, une forme humaine ou animale ou quelconque. Hein? Quelque chose qui a été sculpté ou formé pour représenter quelque chose. Et ils adorent cette chose-là, donc c'est ce qu'on appelle les statues, hein, les idoles. Toutefois, il y a d'autres choses qui sont adorées qu'on appelle al-awthan. Et al-awthan, les ulama, ils expliquent que ce sont des objets ou des choses que les gens adorent qui ne sont pas sculptées, ou qui ne sont pas gravées, ou qui n'ont pas nécessairement une forme humaine ou animale. Hein. Ça peut être un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être un rocher, ça peut être une forme quelconque, hein, une sphère ou un triangle ou un cube, ou peu importe. Hein, donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est considéré comme étant une idole. Si les gens parmi les musulmans, si parmi des musulmans il y aurait des ignorants par exemple, ou des égarés qui pensent que par exemple on peut adorer la Kaaba, hein, eh bien, ça serait considéré maintenant par ces gens, comme par rapport à ce que ces gens-là font, ça deviendrait pour eux une idole, parce qu'ils l'adoreraient en dehors d'Allah, hein, et ce serait du shirk. Hein. Donc, on n'a pas le droit d'adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah, peu importe ce que ça peut être. Depuis que c'est une créature, on n'a pas le droit de l'adorer. Et le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Donc, si quelqu'un adore quelque chose, quoi que ce soit que cette chose-là soit, hein, peu importe qu'est-ce qu'il adore en dehors d'Allah. S'il l'adore en dehors d'Allah, il a commis le shirk. Il a associé avec Allah dans un de ses droits exclusifs qui est l'adoration. Et ça, c'est ce que signifie en réalité le shirk. D'accord? Donc, il ne faut pas penser que si quelqu'un il va à une tombe et qu'il fait le tawaf autour de cette tombe et qu'il fait des sacrifices à cette tombe, et qu'il se prosterne devant cette tombe ou qu'il cherche la baraka de cette tombe, que ça rentre pas dans l'adoration, ou que ça c'est pas la même chose que d'adorer une idole. C'est exactement la même chose que d'adorer une idole, hein, et c'est la même chose que ce que faisaient les mouchriquins de Quraysh, hein, et donc de dire la ilaha illallah et de faire ça, c'est une contradiction. C'est ça que le cheikh est en train d'expliquer en fait. Et donc il dit par rapport à qu'est-ce qu'on a clarifié à ce sujet, hein, ils ont dit, hein, ils ont refusé d'abandonner l'adoration de ces choses-là. Donc ces gens-là, yani, ils ont connu la signification de la ilaha illallah, hein, les mushrikoun de Quraysh, ils ont connu la signification de la ilaha illallah, et certains parmi ceux aujourd'hui qui adorent les tombes, ils comprennent aussi la signification de la ilaha illallah, mais ils l'ont refusé et ils l'ont rejeté. Ils ont refusé de l'accepter ou d'accepter ce qu'elle implique réellement, hein, parce qu'ils veulent suivre leur passion. Hein. Donc il y en a qui l'ignorent, qui font la contradiction, et il y en a d'autres qui l'ignorent, hein, qui l'ignorent. Ou qu'ils l'ignorent, ils ignorent la signification et ils rejettent la vérité. C'est pour ça que tu les trouves en train de dire la ilaha illallah, puis ils invoquent d'autres avec Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, ويقولون لمن قال اتركوا عبادة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين يقولون أنت تمقت الأولياء والصالحين وتبغضهم فنقول لهم وأنتم يعني تنقصتم الله تنقصتم الله عز وجل وأبغضتموه ونحن لا ننتقص الأولياء والصالحين بل نحبهم ولكن نقول ليس لهم حق في العبادة لأن العبادة حق لله عز وجل وليس هذا تنقص لهم بل أنتم تدعون علينا هذا مع أنكم تتنقصون الله عز وجل وتشركون به. Donc le cheikh dit, et lorsqu'on leur dit cessez d'adorer les tombeaux et cessez d'adorer les tombes, cessez d'adorer les awliya et les salihin, les hommes pieux et les vertueux qui sont morts, et de les adorer en dehors d'Allah, de faire le shirk avec eux. Eux, ils répondent, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous aimez pas les hommes pieux, vous détestez les salihin, vous détestez les awliya, vous avez la haine contre eux, parce que vous les adorez pas. Parce qu'on fait pas le shirk avec eux, on les aime pas. Ça c'est la contradiction totale. Et le cheikh il dit la vérité c'est qu'on doit leur répondre à ceux-là, et vous avez détesté Allah, et vous avez dénigré Allah et rabaissé Allah en adorant d'autres avec lui et en faisant le shirk avec lui, tandis que nous, vous dites qu'on déteste les hommes pieux et les vertueux, alors que c'est faux, nous les aimons. Mais de les aimer, ça ne veut pas dire de les adorer en dehors d'Allah et de faire du shirk avec eux. Parce que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Et on n'a pas le droit d'adorer quiconque en dehors d'Allah. Même si c'était le plus pieux des hommes pieux. Même si c'était le plus grand de tous les prophètes. Même si c'était le plus rapproché de tous les anges. On n'a pas le droit de lui offrir quoi que ce soit du droit exclusif d'Allah qui est l'adoration. Tandis que vous avez dénigré Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous prétendez que nous, on manque de respect envers les hommes pieux. Alors que, en réalité, vous dénigrez Allah et vous faites du shirk avec lui. Donc, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? Allahul Musta'an. Après le shaykh dit, wa qala ibn al-qayyim, rahimahullah, al-ilahu huwa alladhi تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. Donc le cheikh il dit, Ibn Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit al-ilah, la divinité, celui qu'on adore, c'est celui que les cœurs adorent par amour et par respect, par vénération et par repentance envers lui, et par respect et soumission et par le fait de se rabaisser devant lui et de s'humilier, et par crainte pour lui et par espoir pour lui, et en mettant la crainte en lui, c'est lui notre divinité, c'est lui qu'on adore. Le cheikh il explique, il dit par rapport à la parole de ces gens-là qui disent la ilaha illallah premièrement, mais qui invoquent d'autres avec Allah malgré tout. Il dit لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَعْنَى التَّوْحِيدِ فَلَا يَعْرِفُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُبْطِلُ الشِّرْكَ فَلِذَلِكَ يَسْتَمِرُّ عَلَى الشِّرْكِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَتَنَاقَصُ قوله مع عمله أو يتناقض قوله مع عمله والعياذ بالله. Donc il connaît, lorsque quelqu'un ne connaît pas la signification du tawhid, comme on l'a expliqué déjà, il ne connaît pas la signification de la ilaha illallah, et il ne sait pas que la ilaha illallah vient annuler le shirk. Donc étant donné qu'il ne sait pas ça, il continue à faire le shirk et il dit la ilaha illallah en même temps, donc il se contredit. Sa parole contredit son action. Wala'iyadhu billah. Puis ensuite, par rapport à la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Cheikh al-Fawzan, il explique, hein, il dit, « Al-ilahu ma'khouzun min al-mahabba, wa al-walah, wa huwa al-walah, wa huwa al-lazhi ta'lahuhu al-qulub, mahabbatan wa ijlalan wa ta'ziman. » Donc le terme ilah, ça vient du verbe alaha ya'lahu uluhatan, qui veut dire l'adoration, qui veut dire aussi l'amour, parce que l'adoration c'est l'amour, hein, c'est l'amour avant tout, c'est la base même de l'adoration, c'est l'amour d'Allah. Et donc c'est celui que les cœurs aiment et que les cœurs vénèrent et que les cœurs respectent, hein. Et le cheikh il explique ensuite, il dit wa qala al wazir Abu al Muzaffar rahimahullah fi al ifsah qawluhu shahadatu an la ilaha illa Allah yaqtadi an yakuna al shahid aliman bi anna la ilaha illa Allah aw aliman bi an la ilaha illa Allah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa qala wasmu Allah murtafa'un بعد إلا مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. Donc le cheikh il explique, il dit que Al-Wazir Abu al-Muzaffar, et je pense qu'il parle ici de l'imam al-San'ani, il dit, peut-être c'est un autre aussi, mais d'après moi c'est lui, il dit dans son livre Al-Ifsah, قوله وشهادة أن لا إله إلا الله, le témoignage de la ilaha illallah implique que la personne qui témoigne, elle est la connaissance que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran en utilisant le verbe impératif, sache, hein, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et c'est le verset 19 dans sourate Muhammad. Et il dit que, et le nom Allah, hein, il est murtafa après illa, hein, la ilaha illallahu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui seul qui mérite l'adoration, personne d'autre que lui la mérite. Et il dit ensuite, et le, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique par rapport à cette phrase? Hein, ou bien par rapport à cette parole, c'est de savoir que elle comprend le reniement ou le rejet du tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la foi en Allah seul, dans le sens que tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tu affirmes l'obligation d'adorer Allah seul. Donc lorsque tu as appliqué ça, eh bien, tu as renié le tarout et tu as cru en Allah. Maintenant, le cheikh Al-Fawzan, il explique par rapport à cette citation que le cheikh Abdurrahman ibn Hassan a mentionnée de Al-Wazir Abu al-Muzaffar. Il dit, « Summiya al-Wazir li'annahu istawzara min ba'd al-khulafa. » Istawzara min ba'd al-khulafa. وكان من أجلة العلماء. Donc ça c'est pas Sanani, parce que ici il mentionne qu'il était le wazir, un ministre pour ou un conseiller pour les khulafa. Donc il parle d'un savant qui était plus ancien que l'imam Sanani. Donc il dit ici que il a des écrits, il a un écrit, parmi ses écrits, un livre qui s'appelle ou qui s'intitule Al-Ifsah bi Sharh Ma'ani As-Sihah. Wa huwa sharh للجمع بين الصحيحين. ولما وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتب على هذا الحديث مجلدا كاملا من أول الفقه إلى آخره، وذكر فيه اختلاف الأئمة الأربعة في كل مسألة من باب الاستطراد. وهذا كتاب، وهذا الكتاب المسمى الآن بالإفصاح في الفقه هو قطعة من شرح ابن الوزير على كتاب الجمع بين الصحيحين. أي نعم. أوكي. donc c'est ça. Et le cheikh il explique ici que ce cheikh, cet imam ou ce alim parmi les ulama, ibn al-wazir ou bien plutôt Abu al-Muzaffar, al-wazir ibn al-Muzaffar, c'est un grand savant parmi les ulama. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ifsah bi sharh ma'ani as-sihah, et c'est un livre dans lequel il explique la signification des hadiths de Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est une explication de Al-Bukhari et Muslim. Et lorsqu'il est arrivé au hadith que l'imam Al-Bukhari a rapporté dans son sahih, quiconque pour qui Allah veut du bien, il lui facilite ou bien il lui donne la compréhension de la religion. Donc, quiconque pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Arrivé à ce hadith-là, eh bien, il a décidé d'écrire un livre sur ce hadith. Il a écrit un livre sur ce hadith, et dans ce livre-là, il a expliqué le fiqh au complet, du début jusqu'à la fin, en mentionnant les divergences des ulama, des quatre madhahib, sur chaque point ou sur chaque sujet. Les points sur lesquels ils sont d'accord et les points sur lesquels ils divergent. Et c'est le livre qui est appelé actuellement, ou qui a été publié, qui s'appelle Al-Ifsah. Eh bien, c'est uniquement une partie du sharh de Ibn al-Wazir dans son livre Al-Jam'u bayn al-Sahihayn. Naam. Donc ce livre-là, c'est un livre qui existe actuellement, qui est publié, mais c'est juste une partie de son livre en réalité. Et il dit « وَقَوْلُهُ فَعْلَمْ هَذَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ أَنْ يَعْلَمَ مَعْنَاهَا وَأَمَّا أَنَّهُ يُرَدِّدُ كَلَامًا لَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ فَهَذَا لَا يُفِيدُهُ شَيْئًا. » Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ » Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et c'est effectivement la science ou la connaissance, c'est une des conditions de la ilaha illallah. Donc pour que ton témoignage de la ilaha illallah soit valable, il faut que tu connaisses sa signification. Si tu ne fais que répéter une parole comme un perroquet, mais que tu ne sais pas du tout qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça signifie, eh bien dans ce cas-là, ça n'a aucune valeur et ça n'a aucune signification, ça ne sert à rien de le répéter. C'est comme si quelqu'un te demande de répéter une parole en chinois ou en latin ou en sanskrit ou bien une autre langue que tu connais pas, puis il t'explique pas ce que ça signifie. Donc s'il te fait répéter cette parole et il t'explique pas ce que ça signifie, ou si tu la répètes sans comprendre qu'est-ce que ça implique, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert? Ça sert à rien, hein? Donc pour certains musulmans c'est comme ça malheureusement. Ils disent la ilaha illallah, ils disent qu'ils sont musulmans, ils disent la ilaha illallah, et si tu leur demandes explique-moi la ilaha illallah, ils sont pas capables de l'expliquer. Et même parfois des gens qui ont des études, soi-disant ils sont connus comme étant des gens qui sont des islamologues ou bien qui ont étudié la religion, et si tu leur dis qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils savent pas l'expliquer. Ils savent pas l'expliquer ni en arabe, ni en français, ni en aucune autre langue. Et la preuve, c'est que lorsque tu les vois traduire le témoignage dans la langue française, quand ils parlent en français par exemple, tu dis qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Et puis ils disent ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu. Il n'est de Dieu que Dieu. Et quand tu regardes la signification de ça, il n'est de Dieu que Dieu, ça veut rien dire. Il n'est de Dieu que Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis à un chrétien, dis il n'est de Dieu que Dieu. Est-ce qu'il va refuser de le dire? Tout le monde sait qu'il n'y a pas de Dieu excepté Dieu. Hein? Même un juif, tu dis il n'est de Dieu que Dieu. Est-ce qu'il va refuser de le dire? Même les mouchriquins de Quraysh, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, dis il n'est de Dieu que Dieu, il l'aurait dit. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Si tu leur dis, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc, est-ce que les mouchriquins de Quraysh allaient refuser de dire il n'est de Dieu que Dieu? Jamais. Ils le disaient déjà, qu'il n'y a pas de Dieu excepté Dieu. Le problème, c'est qu'ils adoraient d'autres avec Allah. Donc, qu'est-ce qu'ils refusaient de dire? C'est la vraie signification de la ilaha illallah. C'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça, ils refusaient de le dire. Et dit à un chrétien, hein, de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah le Créateur, et que tu ne dois pas adorer Jésus, il va refuser. Il ne veut pas dire ça. Non, il va dire, non, il faut adorer Jésus, il faut prier Jésus. Sinon, tu n'es pas un croyant pour eux. Hein? Si tu ne fais pas le shirk avec Allah, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un croyant pour eux. Donc là, tu vois que la signification, hein, là, il a un sens quand tu le traduis correctement et quand tu comprends ce que ça implique. Que rien ne mérite d'être adoré. Tu ne dois pas prier à autre qu'Allah. Tu ne dois pas faire des sacrifices pour autre qu'Allah. Tu ne dois pas faire le tawaf excepté autour de ce que Allah t'a ordonné de le faire et non autour de quoi que ce soit d'autre. Tu ne dois pas faire de vœux pieux excepté pour Allah. Tu ne dois pas aimer rien, hein, plus que Allah, pour autre que Allah. Tu ne dois pas avoir peur, hein, d'une peur révérentielle et d'adoration autre que Allah. Tu ne dois pas mettre ta confiance en personne d'autre excepté en Allah. Tu ne dois pas mettre ton espoir excepté en Allah. Et toutes ces adorations-là, que ce soit des adorations du cœur et des adorations du corps, excepté pour Allah seul. C'est ça ce que ça signifie, la ilaha illallah. Donc si quelqu'un offre une adoration quelconque à une créature ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah, alors ça devient du shirk. Ça devient du shirk. Dans ce cas-là, la personne qui le fait, elle est mushrik, même si elle dit la ilaha illallah. Donc si elle prie à une tombe, si elle prie à un saint, si elle prie à un wali, et elle dit qu'elle est musulmane et qu'elle dit la ilaha illallah, elle contredit son témoignage en faisant ça. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, par rapport à la connaissance, que c'est la première condition, hein, du témoignage, parmi les 8 conditions, ou les 7 selon les divergences entre les ulama, ou bien selon certaines explications des ulama qui mentionnent 8, d'autres qui mentionnent 7. Mais ceux qui mentionnent 8 et ceux qui mentionnent 7, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, puisque ceux qui mentionnent 7, ils impliquent, hein, la signification de la huitième condition dedans. Donc, ensuite, le cheikh, il explique, il dit que quand on fait l'i'rab, l'analyse grammaticale du témoignage de la ilaha illallah, on voit que le nom d'Allah à la fin, quand on dit illallah, il est murtafa, c'est-à-dire il est marfou. La ilaha illallah. Et le cheikh, il dit, أي مرفوع بالضم لأنه إذا لم يذكر المستثنى منه فإنه يجوز في المستثنى الرفع أو النصب. Donc il dit, lorsque il explique la règle grammaticale, en fait, que qu'est-ce qui vient après l'exception ou le illa, eh bien si on n'a pas mentionné la chose qui est exclu dans cette exception là, alors il peut être marfou ou mansoub. Et il dit par la suite, فهذه الكلمة لا إله إلا الله هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والكفر بالطاغوت يعني بكل ما يعبد من دون الله والإيمان بالله هو التوحيد. Donc la signification de la ilaha illallah, elle implique le reniement et le rejet du tarout et la foi en Allah, hein, et le rejet du tarout, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la foi en Allah seul, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite de ce cours demain, bi'idhnillah, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.